Paula, je dis à ma demande au pardon, pardon pour ça moi faire, pardon pour tout ça m'pas connaît. Belle Maria Paula, c'est ou même qui sous la vie moi, ou c'est l'an même c'est poisson, ou c'est l'an moi c'est papillon. Maria Paula, je dis à ma demande au pardon, pardon pour ça moi faire, pardon pour tout ça m'pas connaît. Belle Maria Paula, c'est ou même qui sous la vie moi, ou c'est l'an même c'est poisson, ou c'est l'an moi c'est papillon. Paula m'a demandé au pardon, Paula m'a genou dans pied, Paula bingo qui témoin. Tout qui t'es ma va mourir. Oh là où c'est soleil moins, chaleur qui pourrait chauffer, lumière qui pourrait bon chemin, chemin la mort ou la vie. Pardon, pour la marche nous n'en pied, pour la bingo qui témoin, sous qui t'es ma va mourir, pour la où c'est soleil moins, chaleur qui pourrait chauffer, l'union qui pour bon chemin, chemin la mort ou la vie. Pour la, moi remè ou, Maria, pour la, moi remè ou, pour la, m'adore, Maria, pour la, m'adore ou, pour la, Maria Paula Madoreu, oh, oh, Maria Paula Madoreu, Maria Paula Madoreu. témoin, mion et moi, dans le témoin. Maria Paula Malo, mion et moi, caresse-moi. Maria Paula Malo. C'est nous c'est l'homme, mais moi c'est poisson. C'est l'homme, moi c'est papillon.